je m'en vais glisser, et je m'en vais glisser. Les bras qui balancent d'avant en arrière, c'est la danse de l'hiver. Les bras qui balancent d'avant en arrière, et maintenant en l'air, et maintenant en l'air. Zou! C'est la danse de l'hiver. Je me laisse aller, je baisse la tête, je suis tout plié. Quand ça monte, je suis tout essoufflé. En plus il faut chanter, en plus il faut chanter. Les bras qui balancent d'avant en arrière, c'est la danse de l'hiver. Les bras qui balancent d'avant en arrière, et maintenant en l'air. Et maintenant en l'air, zoom! C'est la danse de l'hiver. Parfois je vois de bon matin traverser un petit lutin qui disparaît sous les sapins en chantant ce refrain, en chantant ce refrain. Les bras qui balancent d'avant en arrière, c'est la danse de l'hiver. Les bras qui balancent d'avant en arrière, et maintenant en l'air, et maintenant en l'air. Zou! C'est la danse de l'hiver. Parfois je m'arrête, je me repose, j'invente un air, oui, je compose une petite chanson pour l'hiver, entraînante et légère, entraînante et légère. Les bras qui balancent d'avant en arrière, c'est la danse de l'hiver. Les bras qui balancent d'avant en arrière, et maintenant en l'air, et maintenant en l'air. Maintenant en l'air, les bras qui balancent d'avant en arrière, c'est la danse de l'hiver. Les bras qui balancent d'avant en arrière, et maintenant en l'air, et maintenant en l'air. Zou! C'est la danse de l'hiver.